Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une comédie pour toute la famille. Magali, tubiste dans une fanfare, et Guillaume, conducteur de petits trains touristiques, mènent une vie tranquille en banlieue, amoureux comme au premier jour, entre rêves modestes et une grossesse qu'ils attendaient depuis longtemps. Tout se complique lorsque le père de Guillaume, qu'il ne connaît pas, prend contact avec lui pour lui annoncer qu'en vertu d'un accord datant du Moyen-Âge, il hérite d'un authentique royaume au large de la France et de l'Angleterre. C'est une fille. Elle s'appellera Jeanne. Et pour le garçon, on a fait un couple. J'ai compté, tu sais. Oui. On a plus que 8 ans à serrer nos ceintures. Et après, on pourra se la payer notre maison de rêve. 8 années, c'est long quand même. Cher monsieur Brunel, j'ai 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise. On a retrouvé votre père. Alors c'est quoi la mauvaise nouvelle? C'est qu'il va bientôt mourir. PS, tout est réglé pour l'héritage. Tu crois qu'on va devenir riche? On n'en sait rien. Mais on n'en sait rien. Pour l'instant, on est triste. Triste. D'accord? Je vous annonce que vous héritez du titre de roi de l'île de Guirlande. Roi, comme dans les magazines? Avec le donjon, le pont-levis, le roi arrive. Paris. Excusez-moi, mon brave, le prochain départ pour Guirlande, je vous prie. Guirlande? La prochaine navette, c'est... La navette? Ah d'accord, donc on ne fait pas de phrase en Bretagne. Si demande à voir le palais, on est mort. Emmenez-moi au palais. On est mort. King Guillaume, avec Pierre-François Martin Laval, Florence Foresti, Isabelle Nanty, Omar Sy, un DVD Disney.